Le 22 janvier, une news de Corée du Sud a fait part que la note de la communication secrète de première classe du commandement de l'armée américaine du Pacifique, enregistrée sur le rôle des forces d'autodéfense en mai 1980, révèle le fait qu'un navire de guerre des forces d'autodéfense du Japon a livré les activités militaires en recueillant des informations relatives à Gwangju dans les parages sud-coréens lors du soulèvement populaire de Gwangju.